Wolverine CNC, DJ Extreme Killer, le droit d'exister. Écoute. On m'a dit que tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit. Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948. Article 1er. Ok, mais. Gazaville, une partie du ghetto de Palestine, entourée d'immeubles de béton, de barbelés de mines, où protection contre missiles et rime avec génocide de 1000 civils. Je suis né en terre arabe, palestinien d'où coupable. Je vois des bulldozers en terre arable, pareil, c'est pour construire une paix durable. Mais je ne vois du sang mêlé dans le sable. Dites-moi comment je peux en être responsable. Je me lève en ayant peur de me prendre des balles, de ne pas retrouver toute ma famille autour de la table. J'essaie de dormir pour oublier les cris, mais la seule chose que j'oublie, à la dernière fois que j'ai souri. Impossible de vous dire tout ce que cette guerre nous a pris. Impossible de fuir notre seule liberté de mourir. Mais au milieu de tous ces tirs, je n'ai vu grandir qu'un désir. Un désespoir de martyr, il nous pousse à commettre le pire. Ils excusent trop souvent l'horreur par l'Holocauste. Alors on excuse pas nos enfants morts, notre juste cause. La poésie de la mort, voilà aujourd'hui en est ma prose. Mais toi si tu t'en sors, remercie ce que la vie te propose. Ton passé te renforce, ton avenir sera dans sa sauce. Ne me dites pas que j'ai tort, mettez votre connerie en pause. Ce monde est fou, mais il a toujours été. Ici on fait son trou, sur une planète assassinée. Des points de vue différents sur une seule vérité. Celui qui tue des enfants n'a pas de raison d'exister. Une chance de devenir grand, c'est tout ce qu'ils avaient souhaité. Alors pour tous les innocents, chantez avec moi le point levé. Aux quatre coins du monde, les peuples se révoltent. Mort du pouvoir qui fait de nous une marchandise en solde. Le courage au fond de nos veines est une chose qu'ils craignent. On a repoussé les nazis, on repoussera bien leur système. Il n'est pas acceptable que la tolérance soit bannie, que l'amour est véritable, être gay n'a pas à être puni. Une vie inestimable, ne dites pas qu'elle n'a pas de prix. Porter le cartable ici, pédophilie en Indonésie. Violer sur un coin de table, être une femme, c'est fort aussi. Car le seul misérable est celui qui la pense plus bas que lui. Je trouve plus honorable d'être prostituée et nourrir ma famille qu'un avocat d'outa bien riche qui en a oublié sa fille. La désillusion est une nouvelle fraîche. Précipitation, massacre dans une crèche. Des manifestations, le pouvoir aura une brèche. Mais je ne vois que des cons qui se prennent pour des flèches. Toujours encore les mêmes imbéciles. Toujours la crise, toujours la même mainmise. Nous faire oublier l'histoire pour effacer l'espoir. Ils veulent nous faire oublier les combats de la liberté. Nous mettre en dépression pour empêcher la révolution. Faire taire notre raison, des millions pour rendre compte. Ils veulent diviser notre force derrière des clôtures. Ils ont assassiné la paix pour de fausses coupures. On a chanté par milliers contre toutes ces ordures. On a cherché la vérité derrière leur couverture. On a trouvé la sincérité derrière des brûlures. On a bravé les autorités, vaincu les dictatures. Ils voulaient nous refroidir, nous on a cramé des voitures. Ils veulent nous faire taire, ouais, mais on n'était pas le futur. Animer l'intolérance, car notre terre porte la différence. Il faut arrêter notre errance, trouver la voie et le bon sens. Je vois des gens dans l'abondance, quand d'autres n'ont pas d'enfance. L'humanité a ses carences, ça fait pencher la balance. L'inégalité des chances, le déséquilibre est intense. Alors tenez-vous la main ou mettez un poing en l'air. C'est un langage unique qui nous permet d'être clair. Unis sur ces planètes, faudrait apprendre à se connaître. Faut pas se casser la tête pour savoir comment se plaire. L'espoir est grandissant, même pour ceux qui grandissent. Car trop d'enfants grandissent en voyant des bains de sang. Je souhaite qu'un jour ils puissent tous vivre en souriant. Des points de vue différents sur une seule vérité. Celui qui tue des enfants n'a pas de raison d'exister.